comment. Il nous a pas donné la monnaie. Ouais, ça peut, c'est comment. Je crois qu'on est obligé de rouler. On va chercher, pas les billets qu'on va le chercher. Ne t'inquiète pas, ouais, les billets qu'on va le chercher. Mais l'argent n'est pas rentré. Donc on m'a pas payé. Mais l'argent n'est pas rentré. Donc on m'a pas payé. T'es plus sûr de toi quand y'a le brolic devant toi. Et si tu fais un pas avec la cachette, on t'éteint. Là c'est comment, ramène le cash et nous on t'éteint. Là c'est comment, ramène le cash et nous on t'éteint. On t'éteint, y'a plus le temps, ça sent la terre, je suis dedans. On t'éteint, y'a plus le temps, ça sent la terre, je suis dedans. Donnez-moi mon argent, donnez-moi mon argent. Ça sent la perte.